Boop boop boop. Thank you.

Fears. Blood and Sweat. Blood and Sweat, we are united. We are. Thank you. Carrément. Balance le lien. Moi j'ai qu'une caméra aujourd'hui. J'ai de la flemme de tout brancher. J'ai même la flemme de lancer le stream. C'est pour tes viewers, t'as vu? Franchement, représente cousin from Bordeaux. Attends, oui, j'ai changé ça pendant ce temps-là, alors. Ou alors, attends, je sauvegarde vite fait là, genre je fais hop. Parce que ouais, je fais les samples du Vietnam là pour mon copain. Thank you. Thank you.